The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Retirement. La retraite. To stroll around. Déambuler. Shopping window. La devanture. Enthusiast. L'amateur. Grub. La bouffe. France Gomio Guide. Le guide France Gomio. Michelin Red Guide. Le guide rouge Michelin. Quotation. La cotation. Controversies. La polémique. Awarding. L'attribution. Restaurant owner. Le restaurateur. Downgrade. La rétrogradation. Green guide. Le guide vert. Now, a bit faster. Michelin Red Guide. Le guide rouge Michelin. Controversies. La polémique. Quotation. La cotation. Michelin Red Guide. Le guide rouge Michelin. Green guide. Le guide vert. Restaurant owner. Le restaurateur. Awarding. L'attribution. Downgrade. La rétrogradation. To stroll around. Déambuler. Downgrade. La rétrogradation. Quotation. La cotation. Controversies. La polémique. Michelin Red Guide. Le guide rouge Michelin. Quotation. La cotation. France Gomio Guide. Le guide France Gomio. Enthusiast. L'amateur. Controversies. La polémique. To stroll around. Déambuler. Quotation. La cotation. Michelin Red Guide. Le guide rouge Michelin. Quotation. La cotation. Restaurant owner. Le restaurateur. Grub. La bouffe. Controversies. La polémique. Downgrade. La rétrogradation. Now, use the words in context. Déambuler. He's wandering around the corridors of this building without knowing where he's going. Il déambule dans les couloirs de ce bâtiment sans savoir où il va. L'amateur. She's a big wine connoisseur. C'est une grande amatrice de vin. La polémique. Ever since the lake was polluted, the controversy over the disposal of chemicals has been revived. La polémique concernant le rejet de produits chimiques dans la nature a été ravivée dans la région depuis que le lac a été pollué. L'amateur. She's a big wine connoisseur. C'est une grande amatrice de vin. La polémique. Ever since the lake was polluted, the controversy over the disposal of chemicals has been revived. La polémique concernant le rejet de produits chimiques dans la nature a été ravivée dans la région depuis que le lac a été pollué.